La partie d'écarté par Lucie de la rue Mardrus. Il est inutile d'expliquer par suite de quel mécanisme du cœur je fréquente avec assiduité une pauvre vieille fille, classiquement ridicule mais si bonne. Je dis qu'elle est pauvre à cause de son dénuement physique et de son célibat. En réalité, elle vit dans une aisance plutôt riche. J'étais un soir chez elle, dans sa petite villa d'Auteuil, au jardin charmant. Je l'écoutais pleurer sa peine. Elle me confiait comment, la veille, son frère l'avait presque frappée. Il faut dire que la touchante créature a élevé ce frère, beaucoup plus jeune qu'elle, et qu'elle a mis en lui tout le trésor de maternité enseveli dans l'âme féminine. L'histoire de ses dévouements serait longue. Il y a eu dans la vie de ma vieille amie des heures ou plutôt des années sublimes, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Eric est devenu si irritable, depuis quelque temps, sanglotait-elle dans l'ombre du salon à peine éclairée par une petite lampe. Elle m'avait pris les mains. Figurez-vous, ma chère petite, qu'il m'aurait giflé hier si je n'avais reculé brusquement. Et cela parce que je lui disais que c'était une idée vraiment bizarre d'emporter sa valise pour aller peindre sous le pont des Tournelles. Car vous savez qu'il achève son salon ces jours-ci. Une lueur de vanité passa dans ses yeux inondés, puis elle reprit. Je n'ai pas insisté, voyant son humeur. Alors ce matin, dès 6 heures, il est parti, ayant sa boîte et sa palette dans une main et cette valise dans l'autre. Et voici qu'il va être 9 heures du soir et qu'il n'est pas encore entré. Où peut-il être ? Les vieilles joues de la demoiselle ruisselèrent sous une nouvelle averse de chagrin. Moi qui observais depuis plus d'un mois les allures étranges de son frère, ce jeune homme insignifiant, honnête et doux, j'ouvrais la bouche pour lui donner de fausses raisons de se rassurer, quand la porte, entrebâillée avec une précaution sournoise, nous laissa entrevoir la silhouette d'Éric, détachée en noir sur le fond illuminé de l'antichambre. À cause du mauvais éclairage, nous ne vîmes pas ses yeux quand il s'approcha de nous, mais la seule façon dont il avait refermé la porte derrière lui et s'était avancé de notre côté nous avait déjà glacés. Un instant, le jeune homme parut nous considérer dans le clair-obscur. Puis, avant que nous eussions pu dire un mot, d'un geste saccadé inattendu, il éteignit la lampe. Nous eûmes un petit cri dans les ténèbres. Le bruit de quelques chaises molestées nous fit lever brusquement. Alors un rire éclata près de nos visages, si diabolique, si détraqué, que nous comprîmes enfin l'abominable chose. Éric était devenu fou. « Je savais que cela arriverait, » murmurait ma vieille amie en claquant des dents dans le noir. Et c'était une minute horrible, celle où nous nous trouvions ainsi enfermés, en compagnie de ce jeune et solide aliéné, dans cette obscurité dangereuse. Nous comprîmes que silencieusement ses mains tâtonnaient, grandes ouvertes, avec le geste qui étrangle. À un moment, je les sentis toutes deux frôler mes joues de leurs grands 10 doigts écartés. Cependant, je ne m'évanouis pas. Rusée et muette, je rampai vers la sonnette électrique. Le timbre résonna follement à travers les êtres. La porte du salon se rouvrit. Le valet de chambre, effrayé par cette sonnerie d'alarme, entrait en courant. « De la lumière » râlai-je en continuant à sonner. En un instant, à la suite du valet, le petit personnel fut dans le salon. La cuisinière, une bougie à la main, la femme de chambre portant une lampe. Et l'on nous découvrit tous trois dans nos attitudes respectives, la vieille fille ratatinée dans un recoin, moi dans un autre, crispé sur le bouton électrique, et dans un troisième recoin, le fou. Effrayé par cette invasion, il essayait de se cacher derrière un fauteuil, et ses iris clairs nous dévisageaient l'un après l'autre et paraissaient presque suppliants. Il semblait croire qu'on lui voulait du mal. À cette vue, sa pauvre sœur se précipita vers lui et toute son affection sublime était dans son geste et ses yeux. « Mon enfant chéri !» criait-elle en ouvrant ses bras. Alors le fou se mit à sourire et l'expression de sa figure médiocre fut si démoniaque que même les bonnes comprirent ce qu'elle signifiait. « N'y allez pas, mademoiselle » crièrent-elles ensemble. « Il va se jeter sur vous. » Je retins mon amie par sa manche, malgré qu'elle résistât. Elle ne semblait pas avoir compris comme nous. Le fou la suivait du regard, un regard inexorable et patient de bête de proie. De quelles ténébreuses profondeurs humaines cet être banal tirait-il un regard pareil? Nous devinâmes tous que c'était à sa sœur seulement qu'il en voulait. Hélas, il lui devait tout dans la vie. Il l'aimait depuis l'enfance d'un gentil amour filial. Mais les idées fixes des fous sont si souvent le contraire de ce que furent leurs sentiments avant la chute, comme si l'aliénation mentale était en eux une sorte de revanche satanique, une espèce d'envers monstrueux du meilleur d'eux-mêmes. Un peu plus tard dans la soirée, nous voici installés, le fou et moi, seuls dans le salon à jouer à l'écarté. Vous nous voyez l'un en face de l'autre devant la table de jeu. Nous sommes un jeune homme et une jeune femme quelconque, jouant aux cartes par un soir quelconque. Mais quelle invisible et muette vague d'horreur déferle entre nous deux. Cette petite comédie terrible est une idée que j'ai eue tout à l'heure en voyant combien s'aggravait la fureur qui couve dans l'esprit ruiné d'Éric. Le regardant aller de long en large au milieu de nous, se retourner vers sa sœur avec des yeux phosphorescents, crisper les poings, ou sourire de son sourire faux, plus menaçant que tout le reste, j'ai pris sur moi de dire à part aux deux bonnes, courez chercher le médecin de la famille, expliquez-lui tout, qu'il amène un aliéniste, des aides. Prévenez aussi les cousins de mademoiselle. Elle partit, et comme l'agitation croissait encore, j'ai risqué à tout hasard cette phrase prononcée sur un ton joyeux. « Dites, Éric, si nous faisions une partie d'écarté, qu'en pensez-vous » Éric aime les cartes, je le sais. Il s'est retourné, m'a regardé, puis, à notre stupeur, il a répondu d'un ton absolument naturel. « Mais je ne demande pas mieux, chère madame, c'est une excellente idée. » Pourtant, s'asseyant en face de moi, il a jeté sur sa sœur et le valet de chambre un tel coup d'œil que, prenant héroïquement mon parti de la situation, je leur ai fait signe de quitter la chambre. Ne s'agit-il pas de maintenir le démon en paix jusqu'à l'arrivée du renfort? Ils m'ont comprise et sont sortis sans parler. Je laissais derrière la porte, prêt à se précipiter au moindre cri. Cependant, quel battement de cœur à me sentir toute seule, face à face avec cet être en qui guette l'accès comme un jaguar prêt à bondir. D'ailleurs, la partie est des plus classiques. Éric, très attentif, choisit longuement sa carte avant de la jeter, surveille mon jeu. J'ai peur de l'irriter par un geste, par un regard. Mon esprit se crispe d'attention. Je tâche que mes mains ne tremblent pas. Je tâche d'avoir l'air de ne pas écouter si l'aliéniste arrive, de ne pas avoir l'air de regarder la porte derrière laquelle se trouve le secours en cas de besoin. Surtout, j'évite de regarder le visage d'Éric. J'ai peur d'avoir peur de ses yeux et de me mettre à pousser des cris, tout à coup, malgré moi. À force de m'absorber, je finis par retrouver la marge de l'écarté, dont je perdais d'abord toute mémoire. Alors, je m'aperçois d'une chose extraordinaire, Éric triche. Il triche et observe si je le remarque. À la dérobée, je vois ses yeux qui me guettent et son affreux sourire fourbe qui retrousse les coins de sa bouche sous sa moustache blonde. Je tâche de garder mon sang-froid. « À vous, Éric. » Mais comme, au bout d'un long moment, il n'a pas abattu sa carte, je relève enfin les yeux vers lui et ose le regarder en face. Derrière l'éventail de ses cinq cartes qu'il tient à deux mains, il a caché le bas de son visage. Ses yeux amusés m'examinent avec une indicible cruauté. « Jouez, mais jouez donc !» lui criai-je, prise d'une espèce de frénésie. « Rien. » Éric continue, caché derrière ses cartes, à me regarder en silence. Puis il fait un geste comme pour se lever. Je vais jeter le cri, je me retiens, Éric s'est rassis. La partie a repris, calme, attentive. Vais-je pouvoir endurer cela une seconde de plus? Mon Dieu, pourquoi ce médecin ne vient-il pas? Et quel silence autour de nous? Tout le monde a-t-il quitté la maison? Suis-je abandonné avec ce fou dans le salon en face de cette table? Cette idée absurde mais si insupportable que je ne peux la subir plus longtemps. J'ai beau jeter et reprendre ses cartes sur la table, suivre cette partie sinistre, je ne peux m'empêcher de penser au vide de la villa, au jardin désert qui l'entoure, au quartier isolé qui entoure ce jardin, à la nuit éteinte où les gens dorment, insoucieux des assassinats et des drames qui se passent ailleurs que chez eux. Il faut que je me lève, il faut que je me jette sur la porte et que je la referme derrière moi avant que ce fou... Éric interrompt ma pensée galopante. A-t-il compris ce qui se passe en moi? Il a laissé retomber ses cartes devant lui. Sa voix siffle vers moi. Il répète, presque bas, lentement. « Si je voulais, pourtant, si je voulais. » Et son regard effrayant et doux insiste sur mes yeux. « Éric, » murmurai-je sans savoir ce que je dis, « jouez, vous avez le roi, vous avez le roi. »« Le roi ?» fit Éric comme si c'était une révélation. et m'écrasant soudain d'un regard magnifique. « Mais c'est moi, le roi !» Et d'un revers de main si rapide que je n'ai pas eu le temps d'un cri, il s'est levé, a retourné sa chaise et s'est mis à califourchon dessus avec le mouvement rythmique d'un enfant qui joue au cavalier. Il porte haut la tête. Toute sa personne s'empreint d'un orgueil incommensurable. « Je suis le roi à cheval !» déclare-t-il très haut avec une emphase extrême. Et il continue son mouvement puéril. Il est grotesque et terrifiant. Je me suis levé, renversant les cartes qui s'éparpillent, bigarrures sur les tapis. « Venez en croupe !» ordonne le fou. Et soudain, je vois changer son masque versatile et pâle. Ses prunelles se sont allumées. Une lubricité faunesque passe sur son visage. Il se met à me faire un affreux geste, tout en continuant le rythme de la chevauchée. Que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver? Vais-je enfin appeler au secours? Vais-je enfin me ruer sur la porte? Mais si je bouge de ma place, si je crie, ne va-t-il pas sauter sur moi? Une minute passe. Et voici qu'une nouvelle pensée me fait positivement dresser les cheveux sur le front. S'il se jetait sur moi, s'il me saisissait par le cou, le valet de chambre et ma vieille amie suffiraient-ils pour m'arracher de cette étreinte? Le valet de chambre est grand et vigoureux, mais la force des fous est connue et... La porte s'est ouverte. Le médecin ordinaire, l'aliéniste, ma vieille amie, les bonnes, le valet de chambre, les cousins, tout le monde entre à la fois. Dans l'antichambre, je vois les aides qui attendent. Je suis sauvé. Mais, hélas, à quelle scène atroce allons-nous maintenant assister? Quel va être le départ de ce fou, sa lutte forcenée contre les aides, les sanglots de sa sœur? Nous avons joint les mains d'avance, nous nous mordons les lèvres. Mais l'aliéniste, un grand monsieur correct, froid et barbu, après avoir observé l'attitude d'Éric toujours à cheval sur sa chaise et indifférent à tout ce qui se passe, l'aliéniste s'est approché de lui et l'a salué très bas. « Excellence, dit-il, la domonte avancée, nous pouvons partir. » Sans s'étonner une seconde de ce langage et de cet étranger, Éric répond, laconique, « Bien, qu'on m'apporte ma valise. » Sur un signe de l'aliéniste, le valet de chambre est allé chercher la valise. « Videz-la, dit Éric d'un air froid. On vide la valise. Éric suit les mouvements du domestique d'un regard de côté et son mauvais sourire crispe sa bouche. L'aliéniste s'est rapproché. « Ouvrez la boîte à couleurs, chuchote-t-il. Ouvrez le Kodak. Ouvrez la blague à tabac. » Devine-t-il donc tout à l'avance, ce médecin des fous? Dans la boîte à couleurs, parmi les brosses, on découvre un couteau à virole. Dans le Kodak, il y a un rasoir. Et dans la blague à tabac, un petit revolver chargé. « C'est un réticent, » jette le docteur avec négligence. « Nous connaissons ça. Il y a quelqu'un qu'il veut tuer, mais il s'en cache. » Nous regardons tous ensemble la vieille demoiselle. Elle semble ne pas vouloir comprendre. Mais l'aliéniste l'enveloppe d'un regard perspicace et lui dit « Nous ne vous le garderons pas longtemps, madame. Confiez-le-nous seulement quelques jours. » Et comme subitement rassurée, presque souriante, elle acquiesce d'un signe de tête, l'aliéniste salue une seconde fois Éric jusqu'à terre et montre la porte. « Majesté, » fait-il. Alors, sans demander où il va, glacial et dominateur, Éric passe devant nous comme un monarque devant son peuple, et suivi du regard confiant, ineffable de sa sœur, il sort de chez lui pour toujours, allant d'un pas compté vers la voiture cellulaire, le cabanon, la camisole de force, vers la fureur, vers l'horreur. Cependant qu'informé sans doute de mon courage, l'aliéniste se retourne vers moi sur le seuil et, désignant la table de jeu, murmure « Je vous félicite, madame, vous avez gagné la partie. » C'était la partie d'écarté par Lucie de la rue Mardrus.